avait un requin chagrin, requin chagrin, qui tournait dans les eaux profondes, dans un lagon du bout du monde, requin chagrin. Il y avait un requin chagrin, yeah. Les grands courants du fond des mers, requin chagrin, l'avaient déposé un matin, sous un rocher dans des eaux claires, jamais ne nagent les requins. Toi sur le bateau de ton père, tu bronzais nu à ciel ouvert, des oiseaux survolaient tes seins. Toi sur le bateau de ton père, tu bronzais nu à corps ouvert, au-dessus du requin chagrin. Ce grand voyageur solitaire, requin chagrin, qui avait perdu son chemin, était espagnol par sa mère, requin chagrin, et brésilien par un pèlerin. Alors comme ça tu bronzais nu à ciel ouvert? Oui. Sur le bateau de ton père? Exact. Les oiseaux survolaient tes seins? Dis-moi, il était gros le requin? Énorme. Toi sur le bateau de ton père, tu bronzais nu à ciel ouvert, des oiseaux survolaient. Toi sur le bateau de ton père, tu bronzais nu à corps ouvert, au-dessus du requin chagrin. L'aventurier du fond des mers, requin chagrin, sortait sa grande gueule hors de l'eau pour te voir t'envoyer en l'air, oh, la nuit avec un matelot. Il y avait un requin chagrin, tournait dans les eaux profondes, dans un lagon du bout du monde, requin chagrin. Il y avait un requin chagrin, il y avait un requin.